moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on parler chinois dans sa propre langue ? Durant tout cet été, la conversation scientifique explore les différentes facettes de l'imaginaire. Comment pensons-nous ? Comment imaginons-nous ? Comment rêvons-nous ? Souvent, on accorde à l'imaginaire un statut de parasite, de scorie encombrante qui viendrait souiller les meilleures intentions. D'ailleurs, le mot imaginaire, lorsqu'il est pris comme adjectif, comme dans un malade imaginaire par exemple, renvoie toujours à la fausseté, à l'irréalité, aux chimères, aux illusions, bref, à toutes ces choses que la science prétend justement combattre. Par effet de capillarité, l'imaginaire en tant que substantif cette fois est lui aussi connoté de façon négative. Son adjectif déteint sur lui et l'épithète finit par ronger le concept. Dans la conversation scientifique, nous voudrions renverser cette mauvaise tendance en donnant un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard dont l'œuvre a deux versants. Un versant épistémologique, il s'intéresse à la raison scientifique, à ce qui la féconde et à ce qui la transforme, et un versant littéraire. Il s'intéresse à l'imagination poétique. A priori, raisonner et imaginer se présentent comme deux dynamiques contraires. Le savant se doit de résister à la pente imaginative du langage pour élaborer rigoureusement ses concepts. Le poète, quant à lui, doit échapper à la structure simplement logique du langage pour produire des métaphores inouïes. Mais en réalité, explique Bachelard, la raison scientifique et l'imagination poétique agissent toujours de conserve. Elles se conjuguent comme la voile et la dérive d'une embarcation. Chacune d'elles, si on la met en œuvre isolément, ne permet guère d'avancer. Mais actionnées ensemble, elles impriment une progression. Aujourd'hui, nous allons interroger l'imaginaire porté par le langage, par les langues, notamment par la langue chinoise, en partant de cette phrase énigmatique de Jacques Lacan. « Tout le monde n'a pas le bonheur de parler chinois dans sa propre langue pour qu'elle en soit un dialecte. » Fin de citation. Pour discuter cette phrase et pour discuter de beaucoup d'autres choses, j'ai invité un philosophe qui est de surcroît sinologue. J'ai nommé Romain Graziani. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Je vous avais déjà reçu il y a quelque temps pour l'un de vos livres qui s'intitule « L'usage du vide ». Et je crois savoir que vous vous apprêtez à publier un autre ouvrage intitulé, c'est un titre peut-être seulement provisoire, « Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise ». Vaste programme, de quoi s'agit-il ? C'est un vaste programme, je me demande dans quoi je me suis fourré avec ce livre, moi qui aime écrire des livres courts et légers. C'est une longue enquête sur une révolution fondamentale qu'il y a eu dans l'humanité, la grande révolution étatique en Chine à l'époque des royaumes combattants, 4e siècle avant notre ère. Pour prendre les transformations les plus décisives. Pourquoi je parle d'une révolution ? Parce qu'elle a eu des transformations si durables que plus jamais il n'a été concevable de revenir à un modèle antérieur d'État, de domination, de gouvernance et de souveraineté. Les lois et les nombres, qui peut paraître un petit peu abstrait et fastidieux, parce que je crois que c'est la première fois qu'est institué un paradigme des data, des faits, de la représentation objective de l'action, d'une gouvernance impersonnelle, à tel point que je me suis même amusé à parler pour la Chine de culte de l'impersonnalité, quand on voit comment les grandes structures pénales, juridiques, légales, agricoles, fiscales, militaires se mettent en place à l'époque pour déterminer une forme d'État autoritaire, centralisée, bureaucratique, et qui déploie un filet de contrôle social et de surveillance sur tout le territoire. Alors, ça m'intéresse d'autant plus que j'espère que le lecteur aura, comme moi, en écho, en réverbération, ce qui se passe dans la Chine contemporaine et verra que les processus inouïs de technologie intrusive et de surveillance omniprésente avaient déjà été formulés et théorisés en Chine ancienne vers 400-300 avant notre ère, avec des textes extrêmement intéressants qui nous disent on n'a pas besoin d'avoir de fin limier et de grands détectives pour arriver à suivre l'ordre, il suffit juste de dresser un grand filet qui permet de traquer tout ce qui se passe et d'arrêter tous les intrus. J'analyse à partir de là les représentations cosmologiques, les grandes expériences historiques et institutionnelles et les valeurs symbolique des nombres pour montrer comment s'est mis en place cette grande révolution étatique qui a fait de nous des sujets étatisés. Si je vous comprends bien, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle les technologies numériques pour pratiquer une gouvernance par les nombres. Ce qu'on appelle aujourd'hui une gouvernance par les nombres. C'est déjà une gouvernance par les nombres. Alain Supiot, auquel vous faites subtilement allusion, l'a très bien senti. Il fait quelques incursions dans les textes chinois, mais bon, il est pas sinologue. Il cite à raison, d'ailleurs, Jean Lévy. Ce qui m'intéresse dans cette enquête, c'est de mettre pour la première fois en rapport toutes les données archéologiques avec les grands textes idéologiques. Et dans ces données archéologiques, on a des choses étonnantes qui nous montrent que l'idéologie, c'est bien, mais elle se heurte avec des effets de friction permanente avec la pratique. On a des comptes rendus des procès d'esclaves, de prostituées, de gens qui plaident pour ne pas être amputés, des gouverneurs qui ont trop peur de se faire couper les rotules parce que leurs employés, leurs subordonnés n'obéissent jamais. On a un paysage très concret de la vie que pouvait être la Chine juste avant le Premier Empire, et puis pendant le Premier Empire, et puis on peut comparer ça aux grands projets idéologiques qui aujourd'hui, grâce à la technologie occidentale, puisque nous avons servi sur un plateau beaucoup de technologies que la Chine utilise à présent, la Chine a pu réaliser son rêve chinois en employant les moyens occidentaux pour développer cette gouvernance par les nombres qui est déjà très clairement formulée dès l'Antiquité. Combien de langues pratiquez-vous, Romain Graziani ? Il y a le français, à l'évidence, il y a le chinois. Est-ce que vous le parlez avec un accent, d'ailleurs, le chinois ? Est-ce qu'il y a des accents chinois ? Alors, Étienne, il faut être très clair là-dessus. Même mes étudiants, mes élèves ou des gens que je rencontre dans un public me disent que j'ai un accent en français et me demandent de quel pays, francophone ou pas, je viens. Donc j'ai arrêté de me poser la question de l'accent parce que je ne sais plus à quelle langue ou à quelle patrie me raccrocher. Bah, vous avez en français la langue de quelqu'un qui parle chinois. Sans doute. En tout cas, non, j'ai peu d'accent dans les langues, que ce soit en anglais, en italien, en chinois. Alors, en chinois, oui, j'ai un accent, mais ce serait plutôt un accent de Pékin qui est là où j'ai commencé pendant mes 20 premières années à voyager et à séjourner. Est-ce qu'il y a une langue que vous qualifieriez, que vous qualifieriez de maternelle ? Ou est-ce que vous avez été d'emblée polyglotte ? Alors, j'ai une mère et une belle-mère qui est une seconde mère, c'est le français et l'anglais. J'ai été bercé dans l'anglais très jeune. J'écris autant de poésie ou de textes littéraires en français qu'en anglais. Je fais pas partie de ces universitaires qui traduit rapidement en anglais ce qu'il a d'abord pensé en français. C'est deux chemins différents. Le chinois, c'est notre paire de manches. Ça demande beaucoup de réflexion. Il faut vraiment se torturer les méninges pour arriver à trouver une prose fluide et élégante qui permette de... Mais vous dites que vous écrivez des poèmes en français et en anglais ? Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez l'anglais plutôt que le français ? C'est le thème de la poésie ou est-ce que l'imaginaire, pour arriver directement au sujet, de l'anglais n'est pas exactement le même que celui du français. L'imaginaire de l'anglais, il est très dynamique. Et quand vous êtes dans cet état très spécial, quand on écrit de la poésie, un état une expérience d'intensification des mots qui avive l'imaginaire, l'anglais est l'anglais a quelque chose de vivifiant. Il a des dynamiques sonores, mélodiques, il a parfois une brièveté fulgurante. Et à côté, le français a les charmes d'une sorte de monotonie qui se déroule lentement, où il faut ensuite se réacclimater au français pour y retrouver un peu de vigueur. Mais est-ce que c'est vous qui faites la traduction de vos poèmes? Ah non, j'écris des poèmes en anglais et puis des poèmes en français, et ils n'ont rien à voir. Ils ne se parlent pas entre eux, si ce n'est que à l'occasion de plusieurs traductions, quand on m'a dit on aimerait traduire tel poème ou tel recueil, là j'ai demandé à participer. Ah, effectivement, je l'ai fait pour le chinois et je l'ai fait pour l'espagnol. Et c'est facile de traduire de la poésie française ou anglaise, en l'occurrence, en chinois? Est-ce que c'est commensurable? Non, c'est incommensurable, mais c'est un grand loisir pour le traducteur, parce qu'il retrouve un espace de créativité immense. Il y a parfois des choses drôles. Dans un texte, je devais traduire le mot, je devais parler du site archéologique Altamira. Alors, on pouvait trouver une traduction phonétique, mais c'était pas très intéressant. Mais avec le traducteur, on a regardé une carte des sites archéologiques de la dynastie des Shang, deuxième millénaire avant notre ère, et on a vu un site chinois qui disait littéralement le site de la haute vue. Voilà. Là, il y a quelques effets de commensurabilité, mais ils sont rares. Sinon, il faut réinventer. Mais je pense qu'un traducteur de Proust vers l'anglais, déjà, vous dira qu'il faut repenser autrement et ressentir autrement la phrase. Qu'est-ce que vous pensez de la traduction automatique qui se développe avec une efficacité de plus en plus impressionnante? Elle est parfaite pour acheter des objets sur eBay, pour traduire un petit texte commercial, ça va très bien. Moi qui aime communiquer dans l'ambivalence, l'humour, l'allusion ténébreuse ou enjouée, évidemment. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais parfois, ça prête même à rire et c'est amusant. Cela dit, on va vers un certain progrès. Si ça devient un jour la norme de la communication parlée ou orale, je m'inquiéterais. C'est un risque. Oui, c'est un risque. Mais il y a toujours un risque dans le langage. C'est le risque où les expressions se figent, où les choses sont ossifiées, puis tout se normalise. Heureusement qu'il faut des poètes, des écrivains et des traducteurs pour faire affluer de nouvelles sources et faire éclater les digues. Vous avez été étudiant, élève de l'École normale supérieure, donc j'imagine que vous avez fréquenté, sinon l'homme, du moins l'œuvre de Jacques Derrida. Vous l'avez connu? Non, je n'ai pas connu Jacques Derrida. Je pense qu'il ne s'en portait pas plus mal. Lorsque je suis arrivé à l'École normale supérieure, Jacques Derrida n'enseignait plus. Je suis arrivé en 92. Il y avait une génération post-Derrida. J'ai eu la chance d'avoir un professeur comme Francis Wolff, qui était l'anti-Derrida pour moi. Il était clair, il était didactique, il se payait pas de mots, il ne s'étourdissait pas de sa propre jactance et il était extrêmement attentif à ce qu'il disait. J'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour Derrida, mais ça n'engage que moi. Je conteste pas du tout son immense intelligence, mais c'est not my cup of tea. Mais alors justement, vous parliez d'accent tout à l'heure. Il a dit cette phrase que je trouve bizarre. Il dit « Avoir un accent, c'est être en flagrant délit avec soi-même. » Est-ce que ça vous parle? Et si oui, comment la comprenez-vous, cette phrase? Bon, je vais parler chinois dans ma propre langue, je vais pas vous répondre, je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé pour enseigner le français à Cambridge en 96, j'étais à Jesus College. Et puis, je parlais bien anglais, j'avais un bon accent anglais, j'avais été dans une école bilingue, j'avais fait une partie de ma scolarité dans une boarding school quelques mois, et puis j'y suis retourné régulièrement. Et alors les fellows de Jesus College m'ont dit « Ah bah vous au moins, you don't speak English like Jacques Derrida ou dit the lecture about the law » comme ça. Alors j'ai compris que Jacques Derrida avait fait une conférence sur la loi. Mais ils étaient tous pliés de rire. Ils n'osaient pas rire ouvertement parce que ils disaient the le comme ça, comme l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose. Et voilà, ça avait laissé un long sillage de rire pendant des semaines. Donc voilà, c'était aussi l'accent de Derrida. Donc je comprends s'il a senti ça, qu'il y a une part de frustration et de où il sentit qu'il n'était pas. C'est une phrase qui valait surtout pour lui-même. Voilà. Qui n'avait pas le panache qu'il pouvait avoir en français quand il faisait cet exercice d'extraversion linguistique, bien sûr. Est-ce que c'est un sens pour vous d'attacher ce qu'on appelle l'imaginaire à une langue précise ? Pour le dire autrement, est-ce que lorsque vous parlez ou écrivez en chinois, vous avez l'impression que c'est toujours le même imaginaire qu'en français qui se déploie, ou est-ce que ça ouvre d'autres portes ? Et peut-être que ça en ferme d'autres. Ça... Ben, puisque vous êtes un vieux bachelardien, Étienne, je vais reprendre... Vieux dans quel sens ? qu'il a longtemps fréquenté, aguerri, oui. Weathered, seasoned. Je dirais que quand même, non, quand on est dans l'imaginaire chinois, on fait résonner des images, des locutions qui nous ouvrent à un autre imaginaire. Et il faut essayer de réveiller ces images dormantes. Il y a un dynamisme, Bachelard l'a très bien montré, il y a un dynamisme de l'imaginaire du langue qui nous organise tout entièrement. Et même lorsque nous raisonnons, même lorsque nous voulons argumenter, il y a une imagination sous-jacente qui est à l'œuvre, qu'elle soit reproductrice ou qu'elle soit créatrice. Non, généralement, si j'essaie de m'exprimer dans une autre langue, j'essaie de sentir, de m'orienter autrement à l'aide d'images, d'impulsions, de circuits sonores qui n'ont plus rien à voir. Il faut déserter sa langue. Il ne faut plus se demander comment on dit ça. Alors, on peut se le dire, si on dit « Ah, mais comme on dit une truelle en chinois ben », on dit « Man Tao », c'est tout bête, on l'a appris avant, et puis voilà. Mais ensuite, pour s'exprimer, pour argumenter, pour persuader, pour toucher son interlocuteur, il faut recourir à d'autres voies, il faut plus traduire. Il faut être une autre personne. Mais est-ce que vous êtes sûr, quand vous parlez chinois, que un chinois penserait exactement la même chose que vous s'il disait la même chose ? Autrement dit, est-ce que la pratique de la langue chinoise que vous pratiquez depuis très longtemps vous donne l'impression d'être comme un chinois lorsqu'il parle ? Depuis que j'ai commencé à apprendre le chinois, c'est-à-dire il y a 31 ans, j'ai oublié de fêter ça l'an dernier, j'ai eu recours à une méthode très personnelle, c'est que chaque fois que j'ai entendu une phrase intéressante, à peu près impossible à traduire, ou qui avait quelque chose, comme on dit grossièrement, de très chinois, je l'ai toujours noté, je l'ai approfondi, je l'ai entendu plusieurs fois, et je me suis imprégné, imbibé de ces phrases, de ces lexiques. J'ai 1500 pages comme ça de carnets constitués petit à petit, et c'est comme ça que je les ai appris. Je les ai même enregistrés vocalement, je les ai fait enregistrer pour m'en imprégner, et je sais quand on dit cette phrase tout ce que ça peut réveiller d'imaginaire mythologique, d'allusions culturelles, d'humour sous-jacent, de ce que ça veut dire de la famille, des amis, sur quel ton quel type de hiérarchie on convoque. Ça, je l'ai beaucoup approfondi, donc pour ça, je pense être assez sûr de mon coup. Ça ne veut pas dire que je suis bon ou que j'ai une maîtrise parfaite, mais j'ai toujours essayé de prendre ce qui était pensé en chinois dès le départ. Mais vous dites que vous travaillez sur des textes chinois très anciens, oui. Mais vous parlez le chinois moderne, ça veut dire que cette langue n'a pas tellement évolué, puisque vous pouvez parler toutes les langues chinoises. Mais elles se sont déployées au cours du temps. C'est parce que vous ne savez pas que j'ai beaucoup travaillé, mais elle a énormément évolué. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, j'avais été très très inspiré par un long article de Jean-François Billetter que je suis allé rencontrer à Genève, un petit excursus à partir de ma base alpine. Et Jean-François Bilter m'a donné ce conseil qui est une vraie règle d'or pour une vie de sinisant et de sinologue. C'est il m'avait dit, on se vous voyait à l'époque, on se vous soyait, n'apprenez jamais le chinois comme une langue morte, même si vous voulez faire du chinois classique. il faut que ça vive, il faut voir les liens avec le chinois moderne, il faut parler couramment. Ne faites pas comme un assyriologue ou un helléniste qui ne parlerait que le grec ancien et serait incapable, une fois à Athènes, de savoir comment s'organiser et comment communiquer. Ça a été un conseil que j'ai suivi dès le départ. Et donc, on apprend, en fait, quand on dit, je peux dire, je parle le chinois, mais comme plein d'autres, hein, on parle des chinois. Surtout qu'on est classiciste. On lit la prose des royaumes combattants, mais on sait aussi lire la littérature médiévale, qui était déjà un petit peu différente. On lit la littérature des années 20, qui est une langue en train de se chercher et de se moderniser. On lit des romans avec des tournures très pékinoises écrits dans les années 2000. Il faut pouvoir circuler librement dans tous ces... Et tous les Chinois sont capables de le faire. Tous les Chinois ne lisent pas Confucius, Zhuangzi ou les autres textes de l'Antiquité pré-impériale ou même de la dynastie des Han. Non, bien sûr que non. Donc vous connaissez plus le chinois, les langues chinoises que la plupart des Chinois. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire que j'ai plus étudié les fondements et l'histoire de la langue, oui. Mais comme vous auriez, aujourd'hui, vous pouvez trouver, vous allez à Tokyo et vous trouvez un latiniste ou un helléniste émérite et il sait très bien qu'il ne peut pas tomber sur n'importe quel français qui comprendra une stèle en latin ou un parchemin grec. C'est la même chose. Romain Graziani, vous parliez tout à l'heure de l'informatique. En disant c'est une invention qu'on leur a finalement livrée. Mais comment est-ce qu'ils la disent? Ils reprennent nos mots? Ou est-ce qu'ils inventent des mots chinois pour dire ce qu'on dit autrement? Les caractères sont déjà disponibles. Les caractères, c'est des unités de sens, mais la plupart des mots chinois, ils sont formés par combinaison des caractères. Alors, petite digression Ce qui n'est pas amusante. Tout à fait la même chose qu'un alphabet. Non, c'est pas la même chose, parce que c'est pas des unités phonétiques, c'est déjà des unités sémantiques. Quand vous achetez un manuel de chinois, vous dites « je vais apprendre le chinois », on dit dans ce manuel, il y a déjà, vous pourrez apprendre 1000 caractères, c'est déjà, 60% des textes publiés. Mais vous comprendrez jamais 60% des textes publiés, puisque ce sont des caractères qui ensuite se combinent pour former des mots que vous ne connaîtrez pas. Donc c'est évidemment déjà autre chose. Alors ensuite, on prend ces caractères et à chaque fois, on essaye de trouver un équivalent pour les mots modernes, comme on dit les big data. On dit ta shutu, hein, shutu, c'est les data, et puis on a mis grand, et puis voilà, et puis on a un mot en trois caractères. Parfois, on prend des caractères chinois juste pour leur son et pour faire une imitation sonore, hein, pour le dire simplement, d'un mot occidental, généralement d'un mot anglais. Et puis parfois, il y a les mots rivaux. Par exemple, avant, pour dire internet, on pendant longtemps, on dit inter. Comme ça, il y avait internet, et puis ensuite d'autres mots ont remplacé selon une logique plus chinoise. Mais c'est une logique combinatoire qui permet de créer plein de nouveaux mots. Il y a une phrase de Paul Valéry pour laquelle je voudrais aussi votre réaction, Romain Graziani. Mmh. Il écrit « Si le langage était parfait, l'homme cesserait de penser. Mmh. » Est-ce qu'on pense dans les imperfections du langage, quelle que soit la langue qu'on pratique? Alors qu'on est Paul Valéry, oui. Parce que Paul Valéry, il commence à réfléchir toujours à partir d'un agacement devant l'approximation, devant le vague, devant des ambiguïtés. Il a cette méthode hautement intellectuelle dont il aime aussi, dont il aime faire état, qui est de purifier la langue avec toute l'ascendance mallarméenne de cette vocation, un exercice de rigueur. Donc il a besoin de ce, mais c'est vrai que il a raison. Les langues sont un peu bêtes, sont à l'état naturel. Il faut les travailler, il faut penser contre sa langue. Non, mais elles sont pas imparfaites de la même façon. Et donc le fait d'être polyglotte, ça permet peut-être de corriger les défauts d'une langue en parlant une autre langue. Énormément. Et c'est pour ça que j'adore passer d'une langue à l'autre, parce que parfois, je trouve qu'on sent quelque chose et finalement, ça se dit mieux. Il y a un sens de la langue. Oui, oui. Ça se dit mieux. Certaines choses se disent mieux dans une langue que dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui se dit mieux en chinois, pour poser une question un peu vaste, sans doute, en chinois qu'en français? Moi, comme moi, vous aimez Chamonix. Quand on arrive par l'autoroute blanche, on voit d'abord les contreforts des Alpes et puis les grandes montagnes blanches qui se découvrent. Et puis, parfois, on a Une succession de plans et d'arrière-plans, et puis parfois avec des sapins, des virages, il y a toute une perspective. Mmh. Et puis, chaque fois que je vois ça, par exemple, je me dis « zuo luo you zhi », c'est-à-dire en chinois, ça fait un désordre qui atteint son point d'accomplissement. Comme on dirait en français, c'est un beau désordre. Un beau désordre. Ou bien quand on voit les différents plans, les collines, les contreforts, les monts les plus grands, et puis ensuite cette rivalité entre les sommets, on peut dire « renyo tsangzi ». Ça veut dire il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de strates qui s'accumulent et qui donnent cette riche perspective et ce déploiement plénier au paysage. Alors en français, je pense en chinois quand je vois ça. En français, on dira « c'est beau, c'est majestueux ». Voilà. Alors qu'en chinois, si je comprends bien, c'est plutôt bien fichu, c'est un ordonnancement élégant. Ça, c'est un très bon exemple quand on voit un paysage. Regardez, un Français qui va voir un paysage, il peut voir par exemple les chutes du Niagara ou un joli bocage normand ou anglais, il dira c'est beau. Et en chinois, quand on dit comment c'est beau, il y a au moins 10 façons de caractériser cette beauté en fonction de la puissance et de la majesté, de la grandeur du caractère. Chuang Mei, par exemple, ou Ren Yuli. Là, c'est joli, c'est charmant, ça ondule, il y a un petit ruisseau, il y a une treille. Voilà. C'est pas le même beau. Voilà. Mais justement, excusez-moi d'insister, mais si on connaît la langue française, est-ce qu'on est capable, quand on apprend le chinois, de saisir ces nuances qui n'existent pas dans la langue française? Oui, si on ne recourt pas simplement à un dictionnaire, mais qu'on discute. Et en fait, c'est en discutant sur les mots qu'on apprend le chinois. C'est pas les listes, ça ne sert à rien, les listes de vocabulaire en chinois, parce que c'est trop trompeur, qu'on utilisera toujours le mot dans un sens incorrect. Quand on discute, on approfondit les images qui se tiennent et qui aboutissent à une signification pauvre en français. Mais quand on dit par exemple c'est beau, c'est juste presque une notation sténographique pour comprendre tout ce qu'il y a derrière le mot « chuang mei », comme je disais. Est-ce que, moi je sens que, en français en tout cas, vous aimez le second degré, vous aimez jouer avec les mots. Est-ce que, en chinois, on peut faire la même chose? Est-ce que ça se fait de la même façon? Est-ce qu'il y a des jeux de mots en chinois? Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de mots en chinois. « Wenzi youxi », on adore les jeux de mots et les Français et les Chinois ont cela de commun, qui est le calembour comme sport national. Alors, c'est en chinois encore plus, pour une raison bien simple, c'est qu'il y a une diversité étourdissante de caractères chinois, mais il y a une pauvreté phonétique qui implique qu'il y a beaucoup d'homophones, de mots qui se prononcent de la même façon. Alors, il suffit de remplacer un caractère par un caractère qui se prononce de la même façon pour aboutir, pour faire un jeu de mots, ou pour dire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a l'équivalent des contrepétries, par exemple, en chinois? Contrepétrie, non. Anagramme? Contrepétrie, non. Anagramme, non. Calembour, jeu de mots, oui. Déplacement de sens par les caractères, oui. L'anagramme et la contrepétrie, c'est une logique de lettres, plus de caractères. L-E-T-R-E. Oui. Là, je faisais pas un calembour. C'est pas la logique heideggerienne de lettres. Non, il faut des lettres. C'est une logique alphabétique. Pour les anagrammes, on m'a dit qu'il y avait quand même des sortes d'anagrammes avec les idéogrammes. On peut changer leur position. Et ça donne une nouvelle phrase ou un nouveau mot, je sais pas. Non? Oui, alors, dans la mesure où il n'y a pas de grammaire en chinois, il y a plutôt une syntaxe, l'ordre est très rigoureux. Donc, si vous intervertissez la place des caractères, vous aboutissez et vous pouvez aboutir, soit à un non-sens, soit à une autre phrase, oui. Est-ce qu'il y a des archétypes chinois qui seraient intraduisibles? Il y a des mots chinois qu'on traduit par exemple par le mot vide, et quand on les lit, on projette dans la pensée chinoise notre conception du vide. C'est, j'imagine, une source d'erreur. plus souvent. Mais c'est ça à peu près avec tous les grands concepts forgés en Occident, nos grandes notions. Bien sûr, elles résonnent très différemment, elles mobilisent des images très différentes. Alors, le chinois moderne a quand même constitué un répertoire très de nouveaux mots, de néologismes pour s'adapter. Hein, à la philosophie, à la politique occidentale, aux langues européennes. Donc on a traduit le concept, par exemple, de vérité, d'idéologie, enfin tout ce que vous voulez. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses qui existent au départ. Mais maintenant, la langue chinoise, elle est vraiment en train de se calquer sur une logique occidentale. Et on sent, en fait, quand les gens parlent, que vous preniez un porte-parole du Parti communiste chinois, que vous preniez un écrivain, que vous preniez des journalistes, ils sont toujours entre l'espèce d'une espèce de déclamation un peu incantatoire qui ressemble à des formules très très bien frappées du chinois traditionnel, et puis une logique d'occidentalisation avec des longues phrases, des subordonnées et l'introduction de beaucoup de néologismes ou de mots forgés au XXe siècle. Romain Gradiani, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi pour dire que avoir de l'esprit, ça n'est pas la même chose qu'être intelligent. C'est souvent même le contraire. Non, on peut être intelligent sans avoir de l'esprit, mais pour avoir de l'esprit, il faut être quand même un peu intelligent. Oui, mais pas forcément très intelligent. Quand je dis c'est souvent le contraire, je pense pas que ces qualités sont antagonistes et que la présence de l'un implique l'absence de l'autre, mais il se trouve que notre cerveau est souvent partagé entre une orientation très intellectuelle chez certains, et c'est rare de rencontrer des grands intellectuels qui soient en même temps très drôles, très spirituels, très mordants, avec beaucoup de répondants, beaucoup de sens d'improvisation. C'est rare. Hein. En revanche, j'ai rencontré beaucoup des gens qui sont très rapides, très drôles, qui répondent du tac au tac, qui plaisantent, qui peuvent varier les degrés d'énonciation entre l'ironie, l'allusion, et ne pas être du tout intellectuel par ailleurs. Alors, quand on veut avoir de l'esprit en chinois, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé des calembours, mais j'imagine qu'il y a d'autres façons de faire de l'esprit. Mais par exemple, on peut être extrêmement allusif ou sortir quelque chose de méchant sur quelqu'un, mais le dire de façon très feutrée, ce qui peut être très drôle. Ou faire des jeux de mots. Je vous prends une situation type, vous sortez avec un ami, vous savez que sa femme qui porte la culotte dans le ménage le rudoie un peu, est un peu sévère et a même tendance à lui remonter les bretelles en public. Et puis cet ami, à un moment donné, en plein repas, se met comme ça à tousser. Alors on dit ni ti guan yan, hein, ça veut dire est-ce que tu as des problèmes en gros respiratoires, mais avec d'autres caractères prononcés de la même façon, ça veut dire est-ce que ta femme est un peu bossée comme ça, un peu dirigiste avec toi ? Et tout le monde éclate de rire. Et voilà, c'est des allusions. Ce que je préfère, c'est évidemment ce qui est en continuité avec la pensée traditionnelle chinoise. C'est une façon de dire quelque chose sans le dire, d'ouvrir à plusieurs interprétations possibles et de laisser comme ça le sens osciller dans une sorte d'incertitude. Donc c'est une langue qui permet davantage la nuance que la nôtre. Je pense, oui. Ne serait-ce que par la richesse immense de son vocabulaire. Là, on a un verbe, le chinois en a 15. D'où le fait que je regretterais toute ma vie de pas simplement avoir fait un master d'italien et de m'être lancé dans le chinois, parce que c'est une tâche impossible. Oui, l'italien, je crois que c'est plus facile, même s'il y a beaucoup de faux amis, paraît-il. C'est pas des rencontres très dangereuses. Alors, je crois savoir que lorsqu'on vieillit, on perd un peu la mémoire des mots, et on commence par perdre la mémoire des noms propres, parce qu'ils sont moins utiles. Est-ce que les noms propres en chinois ont le même statut que par chez nous? On perd la mémoire des noms propres, et ce qui reste chez les gens qui sont frappés d'amnésie, ce sont les verbes. C'est la dernière chose qui reste. C'est moi qui suis frappé d'amnésie parce que je crois que je n'ai jamais avoir rencontré d'amis chinois avec et qui avaient un trou de mémoire. Alors les noms propres, c'est à la fois plus compliqué et plus simple. Pourquoi c'est plus simple ? Parce qu'il y a peu de noms de famille. Donc on tombe toujours sur des Chen, des Chang, des Ma. Et puis en même temps, les prénoms sont peu lexicalisés. Donc vous pouvez toujours donner à votre fille, à votre fils, à vos enfants en général, vous créez un prénom. Alors il y a des prénoms qui ont été repris plusieurs fois. Hein. On peut s'appeler construire la patrie, dépasser l'Angleterre, rattraper les États-Unis. Ça fait un peu bizarre, mais comme c'est en deux caractères. Oui, c'était des prénoms. Vous vous doutez à quelle époque ils ont été donnés. Quels sont les prénoms qui sont à la mode aujourd'hui alors ? Alors les prénoms plus à la mode, c'est les prénoms à une syllabe. Mais il y a des prénoms qu'on retrouve souvent, des Litune, des Mei Mei, des Jugang, on en trouve plein. Ensuite, il faut savoir pour quelles raisons on donne un prénom, sachant qu'il est toujours possible de créer des prénoms ou de donner de choisir avec grand soin le prénom qui ne sera pas un prénom dans une liste ou dans un calendrier. Hein. Il n'y a pas de Étienne, Stéphane, François ou Romain. Donc c'est pour les prénoms qu'il faut faire un effort de mémoire, pas pour les noms. Oui, parce que même si on sait le prononcer, parfois on oublie comment il s'écrit. Ce qui ne peut pas arriver dans nos langues, rarement avec des... Alors c'est une question que je vais vous poser aussi, Romain Grazani. Si vous entendez du chinois, même si c'est un prénom que vous n'avez jamais entendu, est-ce que immédiatement vous savez l'écrire ? Ben non. Non. Alors si j'entends par exemple une jeune fille qui me dit qu'il y a Li dans son prénom, je vais me douter que c'est peut-être le Li de Mei Li qui veut dire joli, gracieux. On peut deviner quelques petites choses, mais non, les Chinois qui se disent leur prénom... Ils sont obligés de l'écrire. Non, ils l'écrivent, ils vous montrent la paume de leur main et avec l'index de l'autre main, ils tracent rapidement, hein, donc de façon invisible pour nous, le caractère. Et moi qui suis lent d'esprit... Et c'est de cela qu'il faut se souvenir, si on veut écrire correctement. Oui, il faut s'en souvenir, mais alors moi j'en suis même pas là, je ne vois généralement rien, je ne vois qu'un index qui s'agite dans une paume. Je n'arrive jamais, même pour les caractères les plus simples, à voir ça. Mais ça c'est une sorte de déficience neuronale chez moi, je suis quelqu'un de très lent. Moi ça s'entend pas en tout cas. Être bilingue, c'est être bigame, a dit je ne sais plus qui, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire c'est avoir deux foyers. Sans la mauvaise conscience. Mais faisons une expérience de pensée. Imaginons que vous n'ayez jamais eu de contact avec la langue chinoise. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer, pour le coup, la part d'imaginaire que vous auriez perdue en ne possédant pas cette langue ? Pour le dire autrement, comment est-ce que le fait de bien connaître la langue chinoise modifie par rapport à vos collègues, qui ne sont pas sinologues, votre rapport au monde ? Notamment votre rapport sur la philosophie. Et sur le langage des philosophes. C'est une question que je me suis posée quand j'ai terminé mes études de philosophie. J'étais content, je les ai menées jusqu'au bout. Je me suis dit, au fond, ça m'a très peu changé. J'ai appris des choses, mais ça ne m'a pas transformé. Étudier la langue et la pensée chinoise et l'histoire chinoise m'ont profondément transformé et m'ont donné, je crois, m'ont fait imaginer aussi d'autres façons d'écrire, d'autres rapports entre la communication verbale et non-verbale. Par exemple, chaque langue, que vous en soyez conscient ou non, est une négociation entre l'implicite et l'explicite. Il y a beaucoup plus d'implicite dans la langue chinoise. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de préciser, de même que dans la conversation un peu qui porte vers la psychologie, la caractérisation des gens, c'est pas la peine de mettre les pieds dans le plat. C'est toujours à bon entendeur. Je crois que j'ai pris certains plis comme ça de l'expression chinoise, de ce qui correspond. En tout cas, une certaine idée de l'élégance et de la retenue en chinois. Je ne sais pas si je les ai assimilés, mais ça a été un horizon qui m'a beaucoup changé du français que je trouve, quand je me mets, si vous voulez, dans la peau du sinologue ou presque d'un chinois, je trouve souvent le français très bavard, très adjectivé, trop prolixe, qui a tendance à se répéter et à reformuler trois fois de suite la même idée avec de charmantes variations. Oui. Notamment dans certains ouvrages de philosophie. C'est assez évident. Alors ça peut être une qualité d'exposition didactique ou ça peut être une digression et une façon de tourner en rond. Tout dépend de qui parle. Mais il y a certains Chinois qui s'intéressent à la philosophie française. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'elle les enrichit autant que eux-mêmes nous enrichissent quand on est français ? Oui, les motivations sont assez diverses. Certains trouvent que la pensée chinoise et leur univers sociopolitique est étouffant. et cherche justement un imaginaire, un envol, une sorte de libération intérieure en s'acculturant autrement, en prenant racine, en faisant croître certaines potentialités sur un autre terreau, le terreau français, avec des résultats souvent remarquables. Et puis parfois, c'est pour des raisons de, comme pour moi, quand j'ai appris le chinois, l'amusement intellectuel, le jeu, le goût de la difficulté, le défi, jusqu'à finalement ce que cet exercice change un peu de sens en cours de route. Est-ce que vous diriez, Romain Graziani, que les Chinois sont dans un imaginaire si différent du nôtre que ça explique en partie les conflits dont on parle aujourd'hui entre l'Occident et la Chine? Autrement dit, on ne serait pas dans le même monde, en fait. On n'aurait pas les mêmes références. Et en période de crise, elles seraient perçues comme antagonistes. Alors, si on prend cette question pour la refermer un peu sur l'époque contemporaine, mettons des Chinois et puis des Occidentaux du 21e siècle, c'est difficile aujourd'hui, quand on grandit en Chine, quand on a une éducation primaire, secondaire et supérieure en Chine, on est conditionné de façon tellement différente, on ne se rend pas compte de l'écart. Alors, il y a un rapport à la langue, il y a un rapport à la culture et à l'histoire qui est différent, mais il y a aussi souvent, on le voit, une veine anti-occidentale ou une dévalorisation de ce qui pour nous constitue des valeurs ultimes. Hein, chez nous, ce qui est la diversité, le dialogue et la richesse et la pagaille, le chaos et la décadence vu du côté chinois, mais pas pour tout le monde. Même en Chine, il y a des voix très diverses qui s'affrontent. Mais je crois qu'on soupçonne mal, depuis que la mondialisation est devenue si concrète pour tous les citoyens et pour tous les voyageurs, on soupçonne mal encore le degré d'altérité ou d'incompréhension qui peut subsister. Justement, on a pu penser que la technologie, par le fait qu'elle s'uniformise, allait rapprocher les cultures. Et c'est pas ce qui se passe. Bah, pas tellement. On a aussi pensé que le commerce allait démocratiser tous les pays. C'est la même chose. Umberto Eco disait à propos de la traduction, il ne faut pas faire du mot à mot, mais du monde à monde. Ça vous parle ? Ah oui, j'adore les formules d'Umberto Eco. Il a raison, un mot c'est tout un monde, quand on commence à le défricher, à l'ouvrir, il y a des images endormies qui se relèvent, il y a des élans, il y a des impulsions sonores, c'est tout ce qui fait la poésie du mot. Effectivement, il faut retrouver ce monde-là. J'ai beaucoup réfléchi aux exercices de traduction. Le pire, évidemment, c'est de penser que le contenu verbal et informatif doit occuper une part prépondérante. Le monde, justement, cet arrière-monde, il est parfois si fort qu'il faut pas traduire le mot par ce qu'il veut dire dans le dictionnaire, mais il faut donner un sens qui soit le sens implicite, qui soit l'image, qui donne le rythme. C'est ce monde-là. Le mot, il nous fait accéder à un monde. Mais c'est pour ça que la logique des traductions automatiques ou des dictionnaires est peut-être très fallacieuse, dès qu'on sort du monde factuel des objets. Mais pour en venir à votre imaginaire personnel, Romain Graziani, quand vous rêvez, par exemple, est-ce que vous savez dans quelle langue vous rêvez? Est-ce que votre imaginaire passe par le langage ou c'est plutôt des sortes d'images mentales, comme le disait Alain Cohn à propos des mathématiques? On n'échappe pas au langage mental. Quand on dort, on est dans un état d'immersion et puis on est littéralement captivé par des images. Mais le langage, il revient. Alors, ce que j'ai noté, c'est que lorsque je séjournais longtemps en Chine ou longtemps aux États-Unis, je ne rêvais plus en français. Je faisais des rêves où je parlais chinois ou je parlais anglais. Petite chose que j'ai noté justement dans ces rêves, c'est que le moi qui rêve et qui s'exprime en chinois ou en anglais, qui ne sont pas ces langues les plus immédiates, on parle plus fort et on s'entend parler. C'est drôle. C'est cette espèce d'hyperbole sonore parce que quand on est né dans un rêve, et je me suis moi-même fait la remarque en rêve, et je dis mais pourquoi est-ce que je crie alors que je peux dire ça doucement? Mais c'est généralement parce que je parle chinois que je parle anglais. Romain Graziani, lorsque vous lisez la traduction d'un texte chinois en français ou en anglais par exemple, Est-ce que vous êtes toujours satisfait ou il y a des gros malentendus qui transparaissent ? Bah non, vous vous en doutez. La plupart du temps, je peste, je m'énerve, je suis souvent furieux, et pour la littérature chinoise moderne et pour les textes anciens. Pour la littérature chinoise moderne, on a, c'est un vrai problème en France, on a très très peu de traducteurs rigoureux. Et quand on prend le roman chinois et quand on prend la traduction en français, on constate que le roman a fondu de 30%. Les passages les plus durs ont disparu. Il manque toujours du texte. Hein. Et pourquoi ? Bon, parce que c'était un peu difficile à traduire, parce que... Mais on conserve le sens si on élimine des passages ? Bah non, non. Alors peut-être que on peut en parler avec un monteur de cinéma qui vous disait qu'il y a des surprises narratives ou des effets de sens différents, mais c'est quand même étrange. On a en revanche en France on a quand même des grosses équipes de chercheurs, on a une belle tradition d'études chinoises en France. Les traductions, alors c'est toujours dur à dire parce que le traducteur, il a quand même fondamentalement que des coups à prendre. C'est toujours facile dans une traduction de voir un oubli, un contresens, une chose pas très bien tournée, une allusion pas bien comprise. C'est un continent tellement riche, une histoire tellement complexe, parfois une documentation tellement fragmentaire. Oui, il faut accepter qu'il y ait une part d'imperfection qui serait impardonnable pour traduire un roman d'Italo Svevo, de Calvino, ou bien un texte de Jonathan Coe ou de Barnes, évidemment. Mais moi, je suis un traducteur professionnel. Je traduis tous les jours du chinois ancien, du chinois médiéval, du chinois moderne. Et puis, c'est plus facile pour moi parce que comme je ne traduis pas des textes de 200-300 pages, je peux me concentrer 25 heures sur 15 lignes s'il le faut. Quand vous traduisez du chinois classique, si vous voulez bien le faire, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je recours peu au dictionnaire. Je recours à une édition chinoise, à un dictionnaire chinois classique, chinois moderne. Ensuite, je lis des commentateurs, je consulte quelques traductions, et puis je consulte des appareils philologiques, des articles de linguistiques pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette particule, pourquoi il dit les choses comme ça. En moyenne, si vous voulez, c'est une heure pour une phrase et demie, parfois deux phrases. Ça va très lentement si on veut. Et vous n'avez pas peur de la concurrence de ChatGPT ? Alors pour le chinois classique, on en est très loin. On va attendre encore un petit millénaire avant que je commence à me faire du souci. Mais prenons l'exemple du vide dont on parlait tout à l'heure. Mm. Dans l'imaginaire d'un chinois qui prononce l'un des 15 mots qui désigne le vide, que se passe-t-il ? Et en quoi ça n'est pas comparable avec ce qui se passe dans mon cerveau à moi quand je parle du vide newtonien, c'est-à-dire un espace avec absolument rien à l'intérieur, un temps qui passe de façon complètement indifférente, alors que dans le vide chinois, tel que je l'ai compris, il y a des choses qui se passent, il y a une sorte de plénitude même du vide. Oui, bah ça a été assez bien expliqué, on a de bons sinologues qui ont fait le point sur la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces langues, elles communiquent entre elles et qu'aujourd'hui, ce qui était le patrimoine philosophique de la Chine, par exemple le Taisu, le vide suprême, le vide médian, etc., petit à petit, ça a infusé la langue française et on a enrichi notre patrimoine linguistique et notre imaginaire avec ces notions qui ont été traduites, commentées, discutées, qui ont fait l'objet de retraductions ou d'essais, et petit à petit on les intègre. Et aujourd'hui, bah, vous pouvez penser à ce qu'est le vide chez les taoïstes, la vacuité suprême chez les bouddhistes, et puis le vide newtonien ou le... Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça a nuancé notre propre rapport au vide ? On a fait une belle synthèse en imagination de ces différents mots, de ces différentes représentations qu'on a fédérées sous un mot, sous une seule notion. Oui, je pense qu'on s'est enrichi à partir de ça. C'est pas non plus par hasard qu'on a pris le mot sud ou Kong, etc. Ces mots-là et qu'on les a traduits par vide en français. Maintenant, je ne peux pas vous garantir la même chose pour tous les concepts. Mais regardez par exemple aujourd'hui le concept de quand on parle de souffle vital, on dit souvent le qi, hein. qui s'écrit QI, qu'on translittère en tout cas de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'acupuncture, les arts martiaux, le Tai Chi Chuan, beaucoup de pratiques, beaucoup de discours qui nous ont acclimatés à cette notion, et mon espoir en tant que traducteur, c'est qu'un jour je puisse mettre le mot chi en français qui fera partie des mots de la langue française sans plus avoir à le traduire. C'est ce qui s'est passé très rapidement avec le yin et le yang. Simplement, il y a encore 150 concepts qui sont dans la file d'attente et qui petit à petit, grâce au traducteur, grâce au sinologue... C'est-à-dire que les langues vont se contaminer, que les concepts vont fusionner ? Alors, ou s'enrichir. Étienne, dans l'ère post-Covid, je n'utiliserai plus le mot contaminé. Elles vont se féconder. Elles vont être rendues plus fertiles. Je pense que c'est un contact nourricier. Et je dis pas contaminé, je vous taquine, mais parce que j'aime pas cette idée, parce que ça renvoie à l'idée d'une sorte de pureté de la langue qui s'abattardirait au contact d'autres. Et au contraire, j'adore cette hybridation permanente. Non, des mots d'une langue qui apparaîtraient dans une autre langue. Oui. De façon comprise par tout le monde. C'est ce qui va arriver petit à petit avec le chinois. Ça sera parti du yin et du yang, du tao, du qi, et puis petit à petit, on va intégrer dans le patrimoine linguistique français d'autres mots pour continuer à parler chinois en français, absolument. Pour préparer ma conversation avec vous, Romain Graziani, j'ai lu les grands philosophes pour avoir des phrases que je vous demande de commenter, notamment sur le rapport au corps. Bourdieu disait, alors il était plutôt sociologue, mais il disait « le corps est un langage par lequel on est parlé ». Est-ce que le rapport au corps des Chinois est différent du nôtre ? Est-ce que le fait de penser le corps différemment par le travers de la langue modifie le rapport qu'on a avec lui ? Il y a ce philosophe pour lequel j'ai une affection particulière, Zhuangzi, qui vivait au 4e, 3e siècle avant notre ère, qui a eu des intuitions qui préfigurent ce que dit Pierre Bourdieu de cette façon plus abstraite, c'est-à-dire que notre corps, il parle un langage, il parle le langage d'une autorité ou d'une structure d'autorité qui lui échappe. Alors c'est particulièrement fort pour la société chinoise où l'éducation rituelle, qui est une éducation corporelle, qui est un apprentissage de la mobilité, de la motricité, des postures, de la cadence, de ces façons de marcher, de saluer, disent quelque chose de la hiérarchie sociale, de votre place, de vos devoirs familiaux, professionnels, en fonction de votre statut. Et oui, nous sommes parlés par notre corps, et Zhuangzi montre bien que c'était une suggestion d'autant plus insidieuse qu'elle ne passait pas par des contenus verbaux, elle était plus difficile à repérer et à thématiser pour la critiquer. Mais est-ce qu'il y a des sports ou des activités physiques, disons, que les Chinois pratiquent, que nous ne connaissons pas, parce que justement le rapport au corps est différent ? Ils ont inventé d'autres façons d'organiser des exercices ou de faire des compétitions. Alors dans l'état actuel de la mondialisation, je dirais que toutes ces ressources locales sont mises sur un plateau comme de vastes marchandises. Donc on fait plus de tai chi à mon avis à San Francisco qu'on en fait à Pékin aujourd'hui. Et on fait du volleyball et de la musculation dans toutes les villes chinoises. Donc il y a ces effets de réversion surprenantes. Mais on peut dire que d'un point de vue traditionnel, il y a un rapport au corps et surtout un rapport à ces pratiques amélioratives qui passent soit par le sport, soit par une éducation corporelle plus globale, qui sont littéralement opposées en Occident et en Chine. Oui, j'ai jamais vu de ce qu'on, disons, pour prendre le mot de sport ou d'arts martiaux, cette gymnastique chinoise, elle ne valorise pas le surcroît d'effort, quitte à se faire mal. La danse chinoise ne, à part peut-être pour l'acrobatie et le cirque, hein, ne heurte pas, n'abîme pas, ne détériore pas les ressources biomécaniques, physiologiques, comme on le fait aussi en Occident. Il y a une prise en charge de soi extrêmement différente, hein, et qui est faite aussi pour exaucer ses ressources vitales et non pas seulement offrir une prouesse extérieure. Mais voilà, je me contredis moi-même, parce que si je vous parle des Jeux Olympiques chinois où on forme des athlètes qui sont prêts à se bousiller pour monter sur un podium aujourd'hui. Mais si on prend l'histoire dans le temps long, il y a un rapport au corps très différent. Il n'y a pas cet impératif de la virilisation et de l'imaginaire musculaire qui hante toutes les pratiques corporelles. Hein, ça, c'est quelque chose de très différent. L'autre grand problème dans la traduction, c'est un oubli, c'est pas une digression, mais c'est un rappel de ce que je voulais vous dire. Ce qui m'énerve beaucoup dans la traduction, c'est quelque chose auquel vous avez fait allusion avec les noms propres. En fait, dans tous les textes de la littérature chinoise, alors l'Antiquité, le Moyen-Âge, et puis en gros 2000 ans d'histoire impériale, tous les textes sont bourrés de noms propres. Alors, non seulement c'est des noms qui sont difficiles à lire, mais souvent les noms propres en chinois, ils ont une fonction conceptuelle. Ils vous renvoient à des notions ou à des débats sans que ça soit explicite. Si vous voulez par exemple prendre un texte en essayant de démêler quelles sont la vision du politique, de la souveraineté éclairée, de la royauté charismatique en Chine. Vous n'allez pas chercher dans un index le mot roi ou le mot souverain. Vous allez chercher les figures exemplaires de la souveraineté qui ont été incarnées par des gens qui sont devenus des parangons, des archétypes, des légendes, hein, des gens iconiques, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça va être des noms propres. Hein. Quand on va vous parler du roi Wen, du roi Wu, du duc de Zhou, on sait tout de suite à quoi on fait allusion. On fait allusion à des débats politiques sur l'organisation féodale de la Chine, sur la distribution des terres, sur le règne par la vertu et non par les lois. Et même si vous lisez un petit ouvrage simple comme les Entretiens de Confucius, vous allez voir, il y a des noms propres tout le temps, tout le temps, tout le temps. On discute à partir des gens, des personnalités, des styles, des caractères, de ce que les gens ont fait. Et ça, pour un lecteur français, c'est impossible. C'est donc il y a invisible. Des noms qui sont, pour les qualifier de verbaux iconiques. Oui. C'est une expression qui a été inventée, je crois, par un philosophe que vous connaissez peut-être, Jean-Jacques Vunenburger. Oui, un grand bachelardien. Oui, justement, il a été président de la Société des Amis de Bachelard. Il parle d'images verbo-iconiques. Mmh. J'avais une dernière question, non pas sur l'activité physique, mais sur la physique, dont les formalismes s'écrivent grâce à des équations mathématiques, différentielles ou autres. Quand un Chinois regarde des équations différentielles, est-ce qu'il y voit les mêmes choses que d'autres qui pratiquent un langage alphabétique comme nous? En fait, le langage formel et formulaire des mathématiques, il est appris dès l'éducation primaire. Il est universel, donc, lui. Oui, il est universel aujourd'hui. Il y a une tradition mathématique chinoise qui pose autrement les problèmes, qui notamment les expose de façon plus spatiale, dont je serais bien incapable de vous parler, bien que j'ai quand même lu quelques traités, mais je ne veux pas m'aventurer sur ces terres de peur de dire n'importe quoi. Mais cette tradition appartient maintenant à l'histoire, oui. Merci Romain Graziani. Merci à vous, d'avoir développé l'imaginaire des Chinois et en plus le vôtre. Donc je recommande, en tout cas au moment où il sortira, votre prochain livre, dont le titre sera sans doute Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise, chez Gallimard, je crois. C'est ça, chez Gallimard. Thank you.